Ayo, lève ton spliff pour un one-on-one. Il faut que tu mettes ton slip, sois là quand je donne mon rap semi-bénévole. Yo, je fais pas dans le bon. Tu me vois au premier jour d'école, ouais, mais pas sans pomme. Australopithèque, rap, bipède, pas de cadeau, j'nette. Chaque petit bled, grosse paradis grec, parce que t'aimes. Pense ta jolie fesse, ma mitaine. Bosse tes naines, nous prêtons pose des bines. Si tu veux socialiser, viens t'en bout de naines. Dans la brousse, l'épine, le camouflage latéral. Quand la bouche exprime un rabotage malléable, c'est la souche, la résine, c'est le buzz final. Mes camarades et moi on vient mal, rien de grave. Fume des bas, tous des claps. Plume des yaks, pose pas dans les bacs. Juste dans les bacs de ça, on pose dans les cracks des yaos. Puis les taxes en sus, d'accord, yes, smoke, monsieur. Plus qu'un peu, est-ce qu'un deux. S'en va chez eux après le clic, un deux. Ramenez-vous, c'est à midi, oui. Puis c'est un bleu, son ami rouge, puis abri contre un point dans le ciel. Puis au pipo pour qui le pain en pelle. Mais c'est la fin de l'instinct, et y'a plein de gens le perdent. Passant juste ben, ben, ben, ben, coudon, ben, qu'un. Des os, le pourrait poulet tu par les poulets grillés à tuer. Des poulets t'es grillé, tu pourris dans une cellule. Globule blanc, t'as plus le temps. Peux-tu ben me dire à l'ovule quand tu y demandes pis à level quand. Pas ce cri que de nos mères faites à l'ancienne. On te demande juste de signer deux chèques en ordre d'octaine. Ha! Puis tu finis dans le champ avec nous. À chiquer des racks comme si t'avais de sac à chou. À tchoum pis t'es sûr qu'elle joue. Avec tes nerfs, la poussière pis l'affaire. Cette affaire c'est la misère. C'est sûr par exemple qu'on est le centre de l'univers. Homme vert, rien à voir avec la terre entière. Y'a un tête de nous dans le sac à dos à Jésus bag et jeans face Buzzville 246. Il me semble je l'ai vu l'autre fois. Bibliothèque fin Josie l'autre soir man. C'est vers minuit je pense. Yo bro Casper talking mais j'ai dit que je l'aime. Que j'avais lu son livre mais qu'il n'a pas de problème. Mais deux minutes après deux flics l'arrête père. Deux minutes aux deux poignets coûte coûte dans le buffet. Gros calice face de cochon sale. Avant qu'il voit de qui je parle. Je ménage en marche puis je rentre chez nous. Je mange tout ce qu'il y a dans le frigo. Coast to coast des tiroirs jusqu'au congélo. Ketchup walking après ça c'est la grosse. Des fois je me dis qu'il n'y a rien de meilleur que le meilleur drum. Fait que j'sors un papier pièce c'est lobby. 16 rimes pour un kilo de bin, c'est un deal. 16 sauve à bord le doc olympique de bras. T'as soit un chèque le premier pis te reste plus rien. 3 pis de pin, juste la purée de gras. Tu l'étires juste un peu, tu fais une soupe avec ça. Wigga! Check it! Poste des guidi, Jamel de Boozy Groove, il fait du pouce. Ah, la destination est longue et sereine. Haute à Beden, slim fast, religieux barbu talk. Michel Sardou Spark, South Park, Killer Bees, petits jeans larges, fragments de sauce, agent de boss. Ah, t'as-tu bien connu ça, même pas de retraite là. Plus tantôt drop, le shit, caca d'hiver, ramac l'hiver, camping sauvage, rouleau express, walk, complex pas fat. Qu'est-ce que tu veux, fuck that, on est intrépide. Jessica, petit café, deux hop, pis j'ai pas le temps. Névrose de pif, j'pense que j'pourrais la décrire n'importe quand. Guy Lafleur, psychopathe, reggae. À Sonic sur le moche, et des fois qu'il faudrait éviter de lui passer la poque. Fait qu'un rot reflux gastrique, rot que tu tasses, up in the bar. T'arrêtes pas de te gratter les bars, tasse du foulard. Vas-tu te faire table en asseoir, tube en apport. Là tu lui fais faire de pas que sache que tu lis pas. Quand le y'a plaît, garoche-le au bout de tes bras. Non, scène, toi tu ris pas. Toi tu ris pas.